Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Très heureux de vous retrouver et on continue bien sûr l'émission d'hier où Tchaïkovski était très présent. Eh bien, voici encore Tchaïkovski, cette fois non pas avec le lac des cygnes, mais son premier concerto pour piano, peut-être l'une des œuvres les plus célèbres de Tchaïkovski, en tout cas pour le début, et une œuvre qui était composée simultanément justement avec le lac des cygnes. Et pourtant, ce concerto numéro 1 a très mal commencé parce que le dédicataire, enfin celui qui devait jouer ce concerto l'a refusé parce qu'il le trouvait mal fait, difficile. Donc, ça a été reporté et c'est à Boston, curieusement, aux États-Unis, que ce premier concerto de Tchaïkovski a été créé. Il est très célèbre, souvent d'ailleurs utilisé jadis, plus qu'aujourd'hui encore, dans les compétitions de patinage artistique. Je me souviens très bien qu'il y avait souvent ce premier concerto de Tchaïkovski dans ce type de compétition sportive. Allez, on écoute le début avec Martha Argerich au piano et puis l'Orchestre Symphonique de Londres est dirigé par Charles Dutoit. Thank you. Voilà, et ainsi de suite, le début du premier concerto pour piano de Piotr Ilitch Tchaïkovski avec Martha Argerich au piano et le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Charles Dutoit. Il y aura un concert demain soir à 20h, salle Poirel, dans le cadre des concerts de l'association Lorraine de musique de chambre qui accueillera pour un récital le pianiste Adam Laloum, formidable pianiste qui va interpréter des œuvres de Chopin et Schubert, notamment les sonates Deutsch 959, Deutsch 960 qui figure sur son dernier disque publié, si ma mémoire est bonne, chez Sony. Un pianiste vraiment qui compte aujourd'hui, l'un des meilleurs en France, et un plaisir de l'écouter dans ses sonates magnifiques, des vrais chefs-d'œuvre. Alors, puisque Schubert est au programme de ce concert, je vous propose d'écouter une pièce beaucoup moins connue que ces deux sonates, la fantaisie pour violon et piano, Deutsch 934, le final Allegro Vivace, avec au piano donc évidemment Adam Laloum, et au violon Misa Yang. Thank you. La conclusion de la fantaisie pour violon et piano de Franz Schubert avec Misa Yang au violon, Adam Laloum au piano, et c'est donc Adam Laloum que vous retrouverez lundi à 20h, salle Poirel, concert Schubert-Chopin dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre. Richard Strauss, eh bien, c'est évidemment l'un des plus grands compositeurs de la première moitié du XXe siècle et de la fin du XIXe. Compositeur génial qui a commencé à composer très très tôt. Il a commencé un peu dans l'opéra, puis ça n'a pas trop pris parce que c'était post-wagnérien comme Guntram par exemple. Il s'est orienté vers le poème symphonique, ça a mieux marché, et puis il est revenu vers l'opéra avec succès, avec des librettistes incroyables comme Hugo von Hofmannsthal ou encore Stefan Zweig, et vraiment c'est l'un des très très très très grands compositeurs austro-allemands de notre siècle, enfin du 20e siècle. On va le retrouver dans les quatre derniers leaders composés tout de suite après la Seconde Guerre mondiale dans une Allemagne dévastée, une Allemagne en ruine évidemment, et puis la fin d'un monde avec ces quatre derniers leaders qui sont en quelque sorte le testament musical de Richard Strauss. Je vous propose le troisième, intitulé « En s'endormant ». C'est chanté par Nina Stemm, soprano, et l'orchestre du Royal Opera House Covent Garden est dirigé par Antonio Papano. Thank you. magnifique, génial. Le troisième des quatre derniers leaders de Richard Strauss en s'endormant, avec la voix de la soprano Nina Stem, une voix de soprano presque mezzo, et puis l'orchestre du Covent Garden de Londres, dirigé par Antonio Papano. Jean-Sébastien Bach et son concerto pour clavecin 1056. Alors lui, il existe ce concerto sous différents habillements, si je puis dire, puisqu'il y a des transcriptions pour violon, pour hautbois. Il est très souvent joué par les pianistes, et évidemment, au départ, il a été composé pour le clavecin. C'est une œuvre qui date de la période où Bach compose beaucoup de musique instrumentale pour le Collegium Musicum, une association de concerts à Leipzig, qui faisait un énorme travail de commande, et il va jouer donc avec ses musiciens, ses concertos pour clavier, dans le cadre du Café Zimmermann. Ça devait être une bonne ambiance. Alors voici l'argot très beau de ce concerto pour clavier. Je dis clavier parce qu'il est joué indifféremment aujourd'hui par les clavecinistes et les pianistes. 1056, BWV 1056 de Bach, avec Trevor Pinnock au clavecin, qui dirige son ensemble The English Concert depuis son instrument. Le largo très beau du concerto pour clavecin BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach avec Trevor Pinnock au clavecin et The English Concert. Un compositeur qui a souvent rendu hommage à Jean-Sébastien Bach, c'est Camille Saint-Saëns, parce que Saint-Saëns admirait la rigueur de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Et on va écouter une œuvre assez peu connue de Saint-Saëns, sa suite opus 16 pour violoncelle et piano. On ne sait pas trop d'ailleurs dans quelles circonstances il a composé cette suite, entre 1862-1866, sans doute pour un élève du conservatoire qui s'appelait Joseph Poincet et qui était associé au concert Padoue-Cologne. donc des grandes associations de concerts de l'époque à Paris. Et c'est une œuvre assez confidentielle finalement, où on découvre un Saint-Saëns très éloigné évidemment de ses œuvres les plus célèbres, Danse macabre, Carnaval des animaux, quelque chose d'assez secret, de très beau. Voici le prélude de cette suite opus 16 de Saint-Saëns pour violoncelle et piano, avec au violoncelle, je vous le dirai après l'audition de l'œuvre. Le prélude de la suite opus 16 pour violoncelle et piano de Camille Saint-Saëns avec Luigi Piovano, donc au violoncelle, et au piano c'était Luisa Pryor. Allez, on continue avec de l'opéra Otello de Verdi, c'est un opéra en 4 actes de 1887 qui raconte les aventures d'Otello qui rentre de Chypre après avoir combattu les Maures, M-A-U-R-E-S, hein. Et puis donc une histoire de jalousie, de trahison avec Iago, sujet shakespearien d'ailleurs adapté d'une pièce de Shakespeare. Et dans cet opéra, il y a le début qui est assez somptueux, qui donne quelque chose d'assez impressionnant. C'est le retour justement de la guerre d'Othello qui revient avec ses navires et donc la foule est amassée et elle crie une voile, parce qu'on aperçoit enfin Othello qui rentre de la guerre avec ses soldats. Alors voici le début d'Othello de Verdi, interprété par Luciano Pavarotti, Kiri Tekanawa, et puis l'orchestre, c'est le Chicago Symphony Orchestra, dirigé par Sir Georg Schulte. Magnifique début d'Otello de Verdi avec la voix de de Luciano Pavarotti. Ben, je les confonds parfois. Deux grands ténors, deux immenses ténors, deux immenses artistes. Et puis le Chicago Symphony Orchestra and Chorus dirigé par Sergio Scholti. Alors Verdi, évidemment, le grand nom de l'opéra italien au 19e siècle. Et son pendant allemand, c'est Richard Wagner. Richard Wagner et sa tétralogie, une œuvre immense. 19 heures de musique, un prologue et trois opéras. Et dans cette immense fresque qu'est la tétralogie, il y a la Valkyrie avec sa fameuse chevauchée. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer cette pièce, particulièrement spectaculaire, impressionnante. Alors on va l'écouter avec l'Orchestre Symphonique de la Radio de Bavière, dirigé par Maris Janssen. Thank you. concert donc donné il y a quelques années à Munich avec l'orchestre symphonique de la radio de Bavière, dirigé par Marie Sjönsson, la célébrissime chevauchée des Valkyries. Et on continue avec notre cycle Beethoven. Et oui, parce que nous avons un cycle Beethoven dans les émissions de discothèque classique. Je vous présente chaque semaine les sonates, les 32 sonates. On a commencé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Donc c'est au tour de la quatrième sonate. Une sonate assez importante dans le corpus beethovenien parce que c'est une sonate parmi les plus longues. Et oui, et qui est d'ailleurs, pour l'époque, puisqu'elle date de 1796 environ, 97, eh bien, était inhabituellement longue. Une sonate particulièrement inspirée, et on va écouter le final, rondo, poco allegretto et grazioso. On va retrouver Stephen Kovacevic, avec lequel, eh bien, on a commencé cette intégrale des sonates de Beethoven, la quatrième, donc, le final, Stephen Kovacevic. Thank you. Final, rondo, grazioso de la quatrième sonate de Beethoven avec Stephen Kovacevic. On retrouvera bien sûr les sonates de Beethoven la semaine prochaine. On a écouté tout à l'heure, en début d'émission, le début du premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Eh bien, voici le final qui offre des variétés de couleurs incroyables. On rappelle quand même que ce concerto de piano numéro 1 de Tchaïkovski, aujourd'hui un tube incontournable, eh bien, a eu du mal à s'imposer parce que le virtuose Nikolaï Rubinstein, à qui il était destiné, bien, refusa de le jouer parce qu'il le trouvait trop difficile. Et aujourd'hui, bien sûr, tous les pianistes, évidemment, d'un très haut niveau s'y attellent. Voici donc ce final du premier concerto de Tchaïkovski, Allegro con fuoco, avec l'orchestre philharmonique royal dirigé par Charles Dutoit et en soliste la grande, très grande Martha Argerich. Thank you. originale du premier concerto pour piano de Tchaïkovski avec Martha Argerich au piano, le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Charles Dutoit. Eh bien, on va terminer puisqu'il reste un peu de temps avec le concerto BWV 1056 de Bach par Trevor Pinnock et The English Concert, le premier mouvement. Le début du concerto pour clavecin et orchestre de Bach, BWV 1056 avec The English Concert et au clavecin Trevor Pinnock. Et bien voilà, notre émission de ce dimanche est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi et dimanche à 11h pour de nouvelles aventures musicales avec Discothèque Classique. Bonne semaine à toutes et à tous.